ça pour le Fedrosa. Voici. Je vous remercie beaucoup pour votre thé, qui était parfait. Chez Papa, il m'a fait jouer trois fois. I played it three times at Papa's home, and, well, everybody was very happy to hear little Ronnie, yourself, and Faye and Ed, and all the gang over there. Quant à l'expression de Fernand, ce factice de bien, ça veut dire tout simplement full drunky on a glass of cider, de toute façon. Eugène, lui, il est très, très silencieux. À présent, cet après-midi, je viens juste de terminer la réparation de mon appareil qui réellement a eu besoin de beaucoup de choses. Je vais vous passer au téléphone, ce coup-là, c'est-à-dire que je téléphone à Hubert, puis Hubert va vous parler directement chez lui. Moi, je suis chez nous, dans le téléphone, il va vous dire un court message. Et ensuite de ça, Pepper et ma mère viendront faire la même chose. Et puis, sur l'autre côté du tape, bien, je vais vous mettre un petit peu de musique, puis moi, vous expédier ça. À présent, il est à 78, ce tape-là, hein, parce que j'ai cru que ça serait la vitesse sur laquelle vous le feriez jouer. J'espère que ça va marcher. Alors, je vais vous passer Hubert. Merci. Allô, petit Randy, comment ça va par là? C'est ton oncle Bébert qui parle de Montréal. Actuellement, là, je suis à la maison, sur la rue Bossuet, et puis je te parle au téléphone. Puis Gérard, lui, il est chez lui avec Iville, puis il enregistre ma voix. C'est pas mal compliqué, mais j'espère que tu m'entends bien, et puis que ça va bien marcher. Il y a 15 jours, à peu près, là, Gérard est venu à la maison, ici, et puis il a emporté son enregistreur. Il a fait jouer votre disque de Terre-Neuve. Il paraît qu'il était très, très beau, et puis c'était bien intéressant, mais malheureusement, moi, j'étais pas à la maison, parce que j'étais parti en voyage à Boston, puis je suis allé voir le hockey là-bas. Alors, j'ai manqué ça, et puis là, j'espère bien que le prochain que vous allez enregistrer, je vais être à la maison à ce moment-là pour l'écouter. Fille a écrit une lettre dernièrement, et puis elle nous dit que ça va bien par chez vous, et puis que vous allez vous en revenir au Canada. Alors, je ne sais pas si elle nous écrit d'Angleterre ou d'ailleurs. En tout cas, on a bien, bien hâte de vous revoir tous ici. Bonjour et à bientôt. Bon, bien, vous avez entendu le grand Hubert qui vous a dit son message. Un petit peu court, mais que voulez-vous, c'est mieux que rien. Quant à nous autres, eh bien, tout est correct, tout va bien, là. Présentement, le petit Daniel vient de se lever. Daniel, dis bonjour à Ronnie. Hello, Ronnie. Dis-y, comment ça va? Comment ça va? Dis-y, t'es bien content, tu vas en faire. Je suis bien content. Allô, Anne. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci pour la thé. Merci pour la thé de cadeau à papa. Fais de Douani, mon petit frère. Fais de dos, pas ouais, le lourd. Fais de dos, maman est en bas. Il fait du chocolat. Papa est en haut. Il fait du lélo. Non. Ronnie, il va au cowboy. Admire. Vous donnez un coup de pied, un coup de poing. Vous mettez votre façon mentale. Tu vas pleurer. J'ai un petit peu. Bonjour tout le monde, Faye, Ed et puis le petit Ronnie, nous avons été bien contents de recevoir votre tape. Franchement, je le sais presque par cœur, on l'a fait jouer plusieurs fois. Puis nous sommes surpris de voir comment le petit se débrouille aussi bien en français. le petit Ronnie. Même, il chante très bien. Il a fallu montrer la même chanson à Daniel. Il en coupe des bouts, il en forge d'autres, mais tout de même, ça vient à bout de se faire comprendre. Quant à nous, nous avons encore un petit peu de nouveau pour vous. Nous sommes supposés déménager le 1er mai. J'espère que le grand événement n'arrivera pas le 1er mai. Parce que ça serait bien embêtant. Gérard serait obligé de déménager tout seul ou bien je l'enverrai chercher la fameuse petite sœur qui est supposée être sur la montagne en attendant le printemps. Pour vrai, elle va s'ennuyer. Ça, c'est le dire de Daniel quand on lui demande où elle est. Il dit qu'elle est sur la montagne près de la croix. Là-bas, ça va être beaucoup mieux qu'ici. À Saint-Martin, c'est un centre domiciliaire. Nous devons rester dans un bas, un premier étage, 5 appartements, c'est-à-dire un appartement pour le bébé qui s'en vient, un pour Daniel et un pour le restant de la famille. Puis, tout est beaucoup plus moderne. Je crois bien que le spécial à ça, le nouveau, ce sera que Gérard aura une partie de la cave. L'autre partie appartient aux gens du deuxième étage. Puis, il se propose de se faire un studio d'enregistrement, un laboratoire, de recherche, de recherche scientifique, puis de travailler dans la télévision, jouer dans ses tape recorders, comme je lui faisais savoir hier soir. Depuis qu'il l'a, je ne l'ai jamais vu dans sa boîte. Il est toujours sorti de la boîte. Pour une fois, il l'a emboîté. Il a fallu que je mette un stop, comme on dit, pour la télévision, parce que chaque fois que je venais pour la regarder, elle était sortie de la boîte aussi. Oui, elle n'est pas encore vissée, là. Le dos de la télévision n'est pas mis encore. Fait que j'ai comme un frisson de peur. Ils vont encore les triper. Quand venez-vous nous voir? D'après votre lettre, ça a l'air que c'est au début de juin. Est-ce que c'est vrai? Non, Gérard veut savoir quand. Alors, j'espère que vous viendrez nous voir là-bas. Nous serons beaucoup mieux pour vous recevoir. Puis, vous pourrez passer quelques jours parmi nous en ayant la place amplement sans qu'on soit tassés les uns sur les autres. Bonjour. Bon. We are going in a 5-room apartment over there. Lots of space. We're going to have a nice stove. And we're going to get a nice bathroom, we're going to get the kitchen, we're going to get everything. Nice place for Danielle in the back to play cowboy. There'll be lots of room if they want to play cowboy there. Special for children, they have some kind of a playground in the back there. It's real nice. I hope we're going to like it, and I hope you're going to come and visit us over there. And by the way, I thank you very much for the frequency of the transmitters over there. That is, if I understood well, 14KKC, which means 14 megacycles or 14,000 kilocycles, I think. Unfortunately, I haven't got a receiver that will receive that frequency yet, but I intend over there in my small engineering department to be able to perform some kinds of miracles to get something out of my junk there. Well, and on top of that, Ed, listen to this. Maybe the idea will be practical for yourself too sometimes, I don't know, but my small laboratory will be located downstairs in the basement, and naturally nobody is supposed to have any business there anytime at all. So if per chance they change their mind, if they should change their mind, there will be an electronically controlled kick in the back affair, that as soon as they open the door and start going downstairs, bing, bang, bang, upstairs they go and the door closes automatically, locks from inside, and an alarm sounds, and a gun starts, and all kinds of stuff like that. So as soon as they experience that once, they will not feel like bothering anymore. Yeah, Cecile? But we will do the same thing upstairs, so... So I shall live downstairs. I shall live downstairs, and she will live upstairs, that's all there will be to it. Little Daniel is very pleased when he hears on the tape his name. He just runs and he sits down quietly and listens to Ronnie and the others there who are talking to him. Thank you very much for that part. He appreciated that very much. Bon, à présent, là, je pense que je vais terminer ce speech-là parce qu'il y en a d'autres qui ont affaire à vous dire d'autres choses sur le tape. Bon, bien. Ce soir, je suis rendu chez, chez Père. Et puis, Père et ma mère se sont préparés un petit discours. Ça fait qu'alors, je vais vous passer, ma mère, et il va vous parler. Les bruits formidables, vous entendez, sont causés par Daniel qui joue avec une espèce de ressort dans l'escalier. Et puis, j'ai pensé de me mettre dans le milieu de la place pour faire une espèce de background. Alors, je vous passe ma mère sans tarder. Ça fait rien, c'est un peu. Mais c'est que je vais recommencer. Encore une fois, René, je ne sais pas si je te l'ai écrit, mais tu sais que la lampe magique que grand-maman t'a envoyée, si ton papa ne peut pas te procurer de batterie, tu n'as rien qu'à le demander à ton grand-père, puis il t'en enverra. Il sera un plaisir de tenir les batteries. Puis celle que tu as, tu les mets à la chaleur, et tu vas être capable de les conserver longtemps. Changement de propos, là, parmi les derniers portraits que tu m'as envoyés, fille, j'ai une des photos dont j'ai trouvé assez bien. C'est le portrait posé gros comme ça, assis dans une grosse chaise, entre ta porte et la fenêtre dans le salon. Mais je crois avec son lapin sur ses genoux. Il rit sur cette photo. Oh, j'ai trouvé une place dans ma cuisine pour l'exposer, afin de l'avoir vu d'ailleurs, dans cette pièce que je vis le plus longtemps. Pour finir, qu'il vous reste une bonne impression des garçons sur Bossuet, je vais dire comme Fernand me disait le temps qu'il était au collège Laval des Rapides, à chaque fois qu'on lui rendait visite, c'était la formule de demander comment on va, lui de répondre, ça va comme sur quatre lettres. Mais pour nous, là, c'est la même chose. Ça va très bien. Tout mon petit monde travaille, tout en bonne santé. Un beau bonjour. Je vous embrasse. Une grosse caresse toujours au petit René. Et votre mère qui dit bonjour, qui est loin des yeux mais près du cœur. Ainsi soit-il. Encore un gros merci à Gérard de m'avoir laissé parler. Et puis René, mon petit trésor, grand-maman a quelque chose à te dire. Un petit poème, veux-tu? Tu veux savoir? Écoute bien. Veillez sur lui quand il s'éveille. Bon ange, puisque Dieu l'a dit. Et chaque nuit quand il s'éveille, penchez-vous sur son petit lit. Ayez pitié de sa faiblesse. À ses côtés, marchez sans cesse. Parlez-moi le long du chemin, et pendant que je vous écoute, de peur que je tombe en route, bon ange, donnez-moi la main. C'est ta grand-maman qui te dira ça chaque soir quand tu iras te coucher. Bonsoir, René. Bonsoir, fille. Tâchez de pas nous oublier, puis nous faire dire aussitôt que vous serez capable de venir à Montréal. Un grand merci à Gérard de m'avoir laissé parler. Maman est bien inquiète, elle vient de terminer son discours et puis j'ai pas arrêté le tape recorder. Oh, c'est formidable. À présent, je vais trouver de l'arrêter. Je pense qu'on va laisser la chance à Père de vous dire un petit message. Je vais vous présenter Père. Vous avez entendu ça, là? Des applaudissements unanimes. Je sais pas si c'est pour moi ou pour Gérard ou pour vous autres ou pour qui. En tous les cas, c'est votre père qui vous parle, là. Il ne me reste pas grand-chose à dire. Grand-mère a tout dit ce qu'on avait à dire. Et si tout va bien, on pense à toujours à nos frères exilés dans la petite île de Terre-Neuve. Et on a espérance de vous voir bientôt. Changement de propos, ici, on n'a pas d'hiver. Hein. Pas de neige, pas de froid, de pluie. On s'en vient pas. On s'en vient pas. Il paraîtra que c'est vous autres qui avez tout l'hiver. D'après les nouvelles qu'on voit dans les journaux, là, il vous arrive sur la chose, là. Des champs de glace autour de l'île. Et jusque dans une petite ville, il y a manqué d'eau. Les gamins vendaient de l'eau à quoi dire. Avez-vous une pipée, papa? Ah oui, une pipée, oui, rentourée de papier. C'est Gérard qui veut absolument me saouler avec ses cigarettes homemade. Il m'a oui, avez-vous entendu ça, là? J'ai allumé. Avez-vous entendu le bruit de la fumée, là? Et je pense souvent au petit Ronald, là. Et puis à chaque fois que je vais dans la cave, là, Il fallait inventer de toute ma junk. Et tantôt, là, j'avais le petit Daniel avec moi, puis la balançoire. Lui aussi, il aime ça, la balançoire. Il aime abrosser la fournaise. Il voudrait foutre some coal dans la fournaise, mais avec la COVID, il est trop petit. Et puis, lui aussi, il trouve ça, j'ai bien des traîneries. Mais il n'y a pas de danger qui me sépare de ça, c'est tout des souvenirs. Ben, d'abord, Ronald, il aime ça, ouais, ça, énumérer ça. Changement à propos, là, il paraîtrait que vous allez venir par ici. Je ne sais pas si c'est des farces ou bien non, c'est rien que des espérances. En tous les cas, là, on sera bien content de vous voir aussitôt vous pourrez venir. Le technicien Véro me fait signe là, qu'il ne reste pas grand-chose, ce petit ruban. Là. On va être obligé de couper ça. Là. ça sera à suivre. Bon, bonjour à tous et portez-vous bien. On pense à vous autres continuellement. Bonjour.